The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To smell. Sentir. To burn. Brûler. Fire. Le feu. Firefighter. Le pompier. To dial. Composé. Cotton. Le gratin. Oven. Le four. Now, a bit faster. Cotton. Le gratin. Fire. Le feu. Cotton. Le gratin. To burn. Brûler. To smell. Sentir. To burn. Brûler. To smell. Sentir. Fire. Le feu. Firefighter. Le pompier. Cotton. Le gratin. To smell. Sentir. Now, use the words in context. Sentir. That smells bad. Ça sent mauvais. Brûler. I think something's burning. Je crois qu'il y a quelque chose qui brûle. Le feu. The fire completely destroyed their house. Le feu a complètement détruit leur maison. Le pompier. Firemen save lives every day. Les pompiers sauvent des vies tous les jours. Composé. I dialed the wrong number. J'ai composé le mauvais numéro. Sentir. That smells bad. Ça sent mauvais. Le feu. The fire completely destroyed their house. Le feu a complètement détruit leur maison. Le pompier. Firemen save lives every day. Les pompiers sauvent des vies tous les jours.